Hey Mathieu, de tout là-haut, je sais que tu nous vois, que tu veilles sur nous et que tu fais en sorte que Dieu nous garde. Malgré tout, j'ai gardé ton MSN. Je pense tout le temps à toi et même quand je fais la vaisselle. Dans ma tête, je nous vois encore nager dans la piscine. À sauter n'importe comment, on faisait vraiment les imbéciles courageux. Cette musique c'est pour Mathieu. Avec ce qui s'est passé, je suis un coup triste, un courageux. C'est pas un adieu, juste un au revoir. Pour ne pas sombrer, je me dis qu'un jour on va se revoir. C'est pas nouveau, tous les bons partent en premier. Petit ange, t'oublierai jamais, ça je te le promets. 11 ans à peine, la maladie t'a emporté. À vrai dire, cette victoire, tu l'as quand même remportée. Je t'ai fait cette musique pour te rendre hommage. Le paradis t'a recueilli sans faire attention à ton âge. Hey Mathieu, de tout là-haut, je sais que tu nous vois, que tu veilles sur nous et que tu fais en sorte que Dieu nous garde. Malgré tout, j'ai gardé ton MSN. Je pense tout le temps à toi et même quand je fais la vaisselle. Dans ma tête, nous voyons encore nager dans la piscine. À sauter n'importe comment, on faisait vraiment les imbéciles courageux. Cette musique c'est pour Mathieu. Après ce qui s'est passé, je suis un coup triste, un courageux. Une musique suffit pas pour te dire qu'on pense à toi. Mais on a gardé espoir jusqu'à que ton cas s'aggrave. On se dit qu'on n'a rien pu faire, que tu n'as pas souffert et que ta place est parmi nous et non pas sous terre. J'ai la haine et je comprends rien à cette vie. N'essaye pas de me calmer, tu peux rien faire contre cette crise. Tu sais, à vrai dire, c'est pas tellement évident. J'ai appris que dans la vie y'avait pas de pause, encore moins de mi-temps. J'ai jamais connu un gosse aussi fort que Matt. Moi qui me plaignais ou qui gueulais sur mon prof de maths. Trop plus mes mots car aujourd'hui c'est difficile de dire que t'es plus là et que mon cerveau est en déficit. Ça fait 2 mois que tu es plus là et depuis quelques temps moi je dors pas bien dans mon plumard. Ce son il est pour toi pour t'expliquer mon mal-être. Mais pour te l'envoyer faudrait au moins que j'ai l'adresse. Hey Mathieu, de tout là-haut je sais que tu nous vois, que tu payes sur nous et que tu fais en sorte que Dieu nous garde. Malgré tout j'ai gardé ton MSN. Je pense tout le temps à toi et même quand je fais la vaisselle. Dans ma tête, je me vois encore nager dans la piscine. À sauter n'importe comment, on faisait vraiment les imbéciles courageux. Cette musique c'est pour Mathieu. Après ce qui s'est passé, je suis un coup triste, un courageux. Hey Mathieu, pour tout te dire, tu nous manques à tous. C'est mon dernier couplet, donc je vais tirer ma dernière cartouche. Je vais tout balancer et dire ce que je ressens. J'étais unique et y'a personne dans ce monde qui te ressemble. C'est mon 3e couplet, j'ai tant de choses à dire. Entre la vie et la mort, malheureusement tu n'as pas pu choisir. Tu me dis que c'est pas vrai, tu n'as pas pu partir. Et plus qu'un petit de 11 ans a tellement de choses à découvrir. Hey Mathieu, de tout là-haut, je sais que tu nous vois, que tu veilles sur nous et que tu fais en sorte que Dieu nous garde. Malgré tout, j'ai gardé ton MSN. Je pense tout le temps à toi et même quand je fais la vaisselle. Dans ma tête, je me vois encore nager dans la piscine. À sauter n'importe comment, on faisait vraiment les imbéciles courageux. Cette musique c'est pour Mathieu. Après ce qui s'est passé, je suis un coup triste, un courageux. Hey, Oli, merci à ton Seigneur. La vie est courte les gars, pour en profiter.